Collège de France a été créé au XVIe siècle pour enseigner des matières qui ne l'étaient pas à l'université et pour développer un enseignement libre, mais l'esprit est resté. Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. Donc le Collège de France est une institution qui est faite pour la recherche fondamentale et pour lui permettre de se développer dans des conditions de confiance avec le temps qu'il faut pour que la recherche puisse se développer. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment les femmes sont-elles arrivées à constituer leur propre réseau pour migrer ? Comment expliquer que le niveau d'éducation joue encore un rôle prépondérant dans la décision de migrer ? Que pouvons-nous apprendre des difficiles approches comparatives par pays des migrations entre l'Afrique et l'Europe ? Quelles sont les questions de méthode et les grandes difficultés pour réaliser les enquêtes binationales sur la migration, c'est-à-dire à la fois à partir des données des pays de départ et des pays de destination, s'interroge le démographe sociologue François Héran. Nous voici au terme de la grande série que François Héran a consacrée à une lecture critique et bilan des théories de la migration sous le titre « Pourquoi migrer ?». Titulaire de la chaire « Migration et société », François Héran se partage entre le Collège de France et la direction de l'Institut Convergence Migration, qui est porté par 8 institutions sous la conduite du CNRS. Normalien, polyglotte, agrégé de philosophie, ses premiers travaux l'ont entraîné d'un continent à l'autre avant de diriger de 1993 à 1998 la division des enquêtes et études démographiques de l'INSEE, puis de 1999 à 2009 l'INED, dans un esprit interdisciplinaire. Dans le cadre de sa série, François Héran nous a confrontés à la réalité mouvante et vivante du phénomène migratoire conçu comme un processus. Il a analysé les facteurs déterminants de la migration. Il nous a introduit aux travaux du grand démographe américain spécialiste de la migration mexicaine, Douglas Massey, qui se distingue par le fait qu'il a étudié en premier le phénomène migratoire depuis le pays du départ et depuis le pays d'arrivée. Il poursuit l'exploration de son laboratoire novateur qui a inspiré 2 grandes enquêtes en Europe qui nous seront présentées par la suite. En fin de cours hier, François Héran a introduit l'ethno-enquête qui tente de combiner la méthode quantitative avec la méthode qualitative. Cette méthode mixte, à partir du laboratoire de Douglas Massey des migrations mexicaines, s'avère très difficile à mettre en place. Concrètement, explique François Héran, elle consiste à échantillonner les aires urbaines et les aires rurales entre 100 et 2000 ménages selon la taille de l'agglomération. L'échantillonnage se fait de manière aléatoire, mais il est réalisé selon une méthode ethnographique. Cette enquête s'appuie donc sur les données statiques et les données dynamiques avec des questions biographiques. Ces enquêtes confrontent leurs auteurs à 2 défis que nous retrouvons aujourd'hui. Alors, quels sont les atouts des ethno-enquêtes selon le démographe Douglas Massey et quelles lacunes permettent-elles de combler quand on aborde le phénomène migratoire ? Nous gagnons le Collège de France le 21 février 2019 pour le cours de François Héran « Pourquoi migrer ?» opus 13, aujourd'hui, premier ensemble de conclusions théoriques et pratiques. Il y a 2 défis. Le premier, ça consiste à énoncer les questions de recherche qui porteront le projet du questionnaire. On ne lance pas une enquête à l'aveuglette juste pour voir. Il faut se demander en amont, d'abord, si la meilleure façon de répondre aux questions de recherche est bien une enquête, s'il n'y a pas d'autres sources disponibles, d'autres méthodes. Alors, les grandes enquêtes sur les migrations, il y a l'enquête MGIS menée par Michel Tribala en 92, il y a l'enquête Théo en 2008-2009. Moi, j'avais introduit pas mal de variables sur les migrations dans l'enquête famille de 99. Ben, toutes ces enquêtes, évidemment, ont été précédées d'une intense réflexion sur les objectifs poursuivis, sur les lacunes à combler, avec une évaluation de la valeur ajoutée de l'enquête par rapport à l'état actuel des informations et une attention particulière à l'adéquation du dispositif aux objectifs poursuivis. Mais là, on est très aidé parce qu'il y a un machin qui s'appelle le CNIS, le Conseil national de l'information statistique, qui veille au grain. Puis vous avez ensuite la Commission nationale informatique et liberté. Si vous abordez un sujet un peu sensible comme la migration, chacune de vos questions est surveillée. C'est ce que je dis parfois à un journaliste. Imaginez que vous ayez une instance représentant la société civile, finalement, de contrôle, qui surveille chacun des mots que vous écrivez dans votre article. Vous ne supporteriez pas. Eh bien, nous, les responsables d'enquête, on supporte, et non seulement on supporte, mais on a maintenant complètement intégré l'idée qu'il faut être capable de justifier toute question et évidemment l'existence même de l'enquête. Je referme la parenthèse. Car on rejoint là le second défi. Il ne suffit pas d'avoir de bonnes questions de recherche et d'avoir tiré la conclusion que l'organisation d'une enquête ou d'un observatoire en continu était le meilleur moyen d'y répondre. Il faut aussi savoir reformuler vos questions de recherche en questions susceptibles d'être posées. Et ce ne sont pas les mêmes. Les questions que vous vous posez ne sont pas les questions que vous pouvez poser aux autres. Il y a une transposition à faire. Une conversion est nécessaire. Il y a tout un travail d'opérationnalisation. Vous aimeriez, par exemple, avoir une idée du potentiel migratoire d'une région du monde. J'avais déjà évoqué ce problème. Vous vous dites qu'un bon moyen de l'estimer, ce serait de poser directement aux intéressés une question sur leur désir éventuel d'émigrer. Eh oui, mais ce n'est pas en posant telle quelle la situation « souhaiteriez-vous émigrer ?» que vous obtiendrez une réponse significative et exploitable, parce que la définition savante de l'émigration n'est pas celle du discours commun, donc il faudrait reformuler la question en évoquant, par exemple, l'intention de quitter son pays pour s'installer durablement dans un autre, enfin trouver un équivalent de la définition de l'émigration. Donc, c'est important de réfléchir à tout ça. Alors, dans l'article méthodologique qu'il publie en 87, qui est un vibrant plaidoyer en faveur du principe de l'ethno-enquête, Masset enfonce le clou et il dénonce les lacunes du Bureau américain du Census, qui est la grande institution statistique américaine qui fait le recensement tous les 10 ans depuis que les États-Unis existent. Et il dit que les données du bureau mexicain du census, finalement, restent centrées sur l'immigration légale, que le bureau produit des données instantanées, transversales, des coupes transversales, qui laissent dans l'ombre la trajectoire migratoire des personnes et qui, notamment, ne permet pas d'avoir une idée de l'importance des va-et-vient, de la circulation. La statistique fédérale officielle ne dispose pas non plus de toutes les variables permettant d'expliquer la décision de migrer. Bref, la statistique officielle ne considère pas la migration comme un processus social, mais comme un résultat qu'on enregistre année après année, en pièces détachées en quelque sorte. Et donc, il en va tout autrement de l'ethno-enquête, souligne Masset. Elle permet de combler toutes ces lacunes. Donc là, il y a un article, il vend son procédé face à la pauvreté des données statistiques officielles. C'est un genre de raisonnement que j'ai souvent vu, que je connais bien évidemment. Et il dit, avec mon dispositif, vous allez pouvoir combler toutes ces lacunes et améliorer considérablement notre connaissance du processus migratoire. Et il énumère les 5 atouts majeurs de sa méthode qui sont là et que je vais vous traduire. Eh bien, l'ethno-enquête a 5 mérites. La collecte de données multiméthodes, ça veut dire qu'on fait à la fois du quantitatif et du qualitatif. L'échantillonnage représentatif sur plusieurs sites. Oui, il y a toute une série de communes, etc. Enfin, l'INSEE fait ça aussi. L'empilement ou la compilation de données sur plusieurs niveaux. On a des données sur l'individu, sur le ménage. Aujourd'hui, maintenant, c'est classique d'apparier ce qu'on appelle des données contextuelles à un fichier de données individuelles. C'est quelque chose qu'on fait maintenant depuis pas mal de temps. Mais Masset était un des premiers à dire que c'était important de le faire. Le récit, le recueil de données biographiques, les récits de vie, ça aussi, ça fait depuis les années 80 maintenant que dans les instituts de statistiques, en partie sous l'influence de gens comme Masset, comme toujours, il y a des interactions entre le monde des sociologues et le monde des statisticiens, heureusement. On a effectivement des grilles qui décrivent les naissances, les unions, les emplois, les logements, etc., etc. C'est devenu absolument classique. Alors, par contre, là où il se vante d'avoir fait quelque chose d'extraordinaire et d'unique, le parallel sampling, apparier des échantillons entre les zones de départ et les zones d'arrivée. Je prends des migrants quelque part dans des communautés mexicaines et je sais où ils vont aboutir. Si c'est des filières très concentrées, je vais pouvoir tirer un échantillon dans les communes où ils arrivent. Mais en réalité, le problème, c'est que ce n'est pas si simple et qu'il n'y est jamais vraiment arrivé. C'est-à-dire que, bien sûr, les migrants d'un même village mexicain, quand même, se dispersent dans les lieux de destination à l'intérieur des États-Unis, et donc faire un échantillonnage de vos migrants quand vous partez du point de départ, et réciproquement d'ailleurs, c'est extrêmement compliqué, c'est en réalité impossible. Bon, donc on ne peut pas en réalité demander à un office statistique du pays de destination de produire un rythme annuel des données dynamiques sur les trajectoires des migrants à partir du pays d'origine. Ce n'est pas son métier. Enfin, il est normal que les instituts statistiques se concentrent sur les premiers titres de séjour délivrés chaque année par les autorités pour des durées diverses. Et c'est déjà bien beau qu'ils arrivent à quantifier ces titres de séjour en appuyant les doubles comptes, les triples comptes, les quadruples comptes, car c'est ça qu'on a avec le fichier AGDREF des titres de séjour. Imaginez que les titres de séjour, c'est 100 préfectures, c'est des quantités de procédures, c'est des individus qui reviennent d'une procédure à l'autre, qui autrefois revenaient même d'une préfecture à l'autre, et l'appurement de tout ça pour faire en sorte que les titres correspondent bien à des personnes physiques différentes, c'est une tâche énorme. Voilà, il faut bien se représenter tout ça. Donc la migration illégale, par ailleurs, par définition, elle ne peut pas être saisie par un enregistrement officiel, sauf exception. Il y a l'aide médicale d'État en France, j'en reparlerai un jour, mais ce ne sera pas cette année, ou l'enregistrement sur les registres locaux de population en Espagne, qui est un cas tout à fait particulier. Alors, c'est un problème difficile de savoir est-ce qu'on ne pourrait pas faire des enquêtes binationales, des enquêtes qui seraient systématiquement implantées dans deux pays, l'une au pays de départ, l'autre au pays d'arrivée, et comme ça, on pourrait apparier les données individuelles des mêmes personnes dans les deux pays, transmettre des données personnelles à l'étranger. Vous direz que Google s'en occupe déjà, mais dans des pays comme les États-Unis et la France, il est impensable que des offices statistiques nationaux pratiquent un tel appariement de données individuelles en les transférant à l'étranger. On pourrait souhaiter, dans l'idéal, que les données statistiques individuelles puissent finalement migrer avec les migrants. Certains pays le font. Certains pays organisent ce suivi individuel des données dans un système binational ou multilatéral, et c'est le cas de la Norvège, de la Suède et du Danemark, qui ont des accords sur l'interconnexion de leurs registres municipaux. Et si vous êtes un Suédois que vous déménagez en Norvège, vous êtes suivi dans un registre de population qui est en fait fusionné, y compris s'il s'agit d'un immigré. Donc on peut suivre la trajectoire résidentielle des immigrés d'un pays à l'autre à l'intérieur de la Scandinavie. Enfin, à ma connaissance, ce sont là les seuls fichiers de population binationaux au niveau européen et des cas très particuliers. Je rappelle que la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis ont en commun de ne pas avoir de registre de population municipaux. On n'a pas le droit d'avoir un registre de population qui enregistre la totalité de la population. Il y a des registres électoraux, il y a des registres de permis de conduire, etc. en France, mais il n'y a pas de registre complet de la population comme ça existe en Espagne, en Italie, en Belgique, dans toute l'Europe, jusqu'à la Finlande. Ça n'existe pas chez nous. Alors, évidemment, les critiques adressées par Massé à la statistique fédérale américaine consistent pas à dire qu'elle fait mal son travail. Elles consistent à marquer les limites de son champ d'action et à justifier ainsi le recours à des enquêtes de recherche approfondies. Si je suis dans une agence de financement américaine et que je lis l'article de Massé, je suis convaincu que ça vaut le coup de financer son projet. Donc il ne faut pas en réalité demander à la statistique publique courante, autre chose que ce qu'elle peut donner. Et par statistique courante, j'entends les grandes opérations régulières, comme le recensement ou l'enquête emploi, qui tournent en continu en France. Il doit y avoir 100 000 personnes à peu près chaque année qui répondent à l'enquête emploi, et c'est une grande source évidemment fondamentale. Ça, c'est la statistique courante. Mais il existe, en dehors de cette statistique standard, une statistique de recherche plus approfondie à laquelle l'Institut statistique national peut contribuer en coopération avec un institut comme l'INED, par exemple. Et les instituts nationaux, donc, peuvent s'allier aux chercheurs pour élaborer de temps en temps, des études, des enquêtes plus sophistiquées qui utilisent, par exemple, des grilles chronologiques permettant de retracer les parcours familiaux, résidentiels, professionnels, etc., migrants compris. Alors, l'idéal, ce serait de réinterroger les mêmes personnes au fil du temps, de faire une enquête longitudinale, mais il faut quand même le savoir, ces enquêtes à biographie multiple sont trop coûteuses pour qu'on puisse les inscrire dans le programme régulier de la statistique courante. Là, il y a des arbitrages à faire. Alors, à y regarder de près quand même, et on a déjà fait allusion, le dispositif du Mexican Migration Project a quand même du mal à garantir la représentativité de ces échantillons. Par exemple, sont exclus de l'enquête par construction. Sont exclus les migrants qui sont partis seuls, ou les ménages qui ont migré en bloc, qui ne reviennent pas aux fêtes de Noël, qui ont pratiqué une migration de rupture. Et il y en a pas mal. On ne sait pas trop, justement, combien. C'est ça, le problème. Et donc, on a beau concentrer les entretiens en décembre, janvier, pendant les fêtes de Noël, enfin, tous les migrants ne reviennent pas au pays pendant cette période de l'année. Et la fréquence de ce genre de visite fait justement partie des thèmes qu'on voudrait étudier. C'est ce qu'on appelle les comportements transnationaux. Et donc, du coup, par ce biais, eh bien, on surestime la migration circulaire, puisqu'on ne voit par définition que les gens qui reviennent, et on sous-estime la migration qui est installée définitivement, la diaspora fixe. Voilà. Bon, c'est pas surprenant, la migration, ben, c'est justement une réalité mouvante, et l'objectif d'une traçabilité intégrale de tous les parcours entre les pays est inaccessible. Alors, c'est un peu ce qu'essaie de faire Frontex avec le digital, hein, la prise des empreintes. Enfin, cet idéal a beau être caressé par les agences de contrôle des frontières comme Frontex, elle ne sera jamais qu'un rêve. Si, évidemment, on pouvait parquer, marquer les hommes comme on le fait avec les bestiaux, les comptes seraient bons. Mais nous sommes des humains. Et la migration, ça bouge. Je dis ça parce que on nous reproche régulièrement de ne pas parquer et marquer les gens et jusqu'à la troisième ou la quatrième génération. Alors, depuis cette date, depuis que ce propos de Massé a été publié, il a vieilli sous sa propre influence, hein, ce qui est une bonne chose, et plusieurs instituts nationaux donc ont enclenché des enquêtes longitudinales sur les parcours migratoires sous les deux formes possibles, la réinterrogation des mêmes personnes au fil du temps, pendant plusieurs années. C'est ce que les techniciens des enquêtes appellent les enquêtes prospectives, c'est du longitudinal mais prospective. Il faut que le responsable de l'enquête vieillisse en même temps que ses enquêtés et soit capable de les suivre au cours du temps. Et on a des enquêtes prospectives, la fameuse enquête longitudinale de Wisconsin, commencée dans les années 45, ben, elle existe toujours. Sauf que l'échantillon en question, il y avait à peu près aucun noir au début quand on a commencé l'enquête. Maintenant, ils sont très nombreux dans le quartier, on ne sait pas s'il faut les inclure ou pas. Et l'enquête n'est plus vraiment représentative parce que c'est une espèce de cylindre qui a continué comme ça tout seul en ignorant le contexte du quartier. Donc, vous voyez, il y a aussi des biais dans le longitudinal quand on suit toujours et uniquement les mêmes personnes. Et puis, l'autre méthode, c'est la passation à l'instant T de questionnaires biographiques qui peuvent remonter aux origines de la migration. Et on parle à ce moment-là donc d'enquête longitudinale non plus prospective, mais rétrospective. Voilà. Donc nous avons un peu les deux. Il existe en France, elle va être refaite, elle a déjà eu lieu, ce qu'on appelle l'enquête ELIPA, enquête longitudinale sur les immigrés primo-arrivants. C'est la direction de la recherche et études statistiques du ministère de la Santé et des Affaires sociales qui avait entamé cette enquête. Elle est maintenant prise en charge par le service statistique du ministère de l'Intérieur et elle consiste à réinterroger les mêmes personnes pendant 3-4 ans. C'est très difficile de garder sous observation les mêmes personnes pendant 3-4 ans. Mais déjà, au bout de 3-4 ans, il y avait des évolutions extrêmement intéressantes. Donc, une nouvelle enquête va être faite sur le même principe. Alors, l'inscription de l'enquête dans la durée a permis à Massé d'établir que la migration, malgré les biais que j'ai évoqués, est encore très circulaire dans les années 80, avec une forte rotation entre le Mexique et les États-Unis, alors que dans les années 90, eh bien, la fréquence des retours commence à faiblir. Et interrogé en 2018 par le Colegio de México, qui est une sorte de HESS mexicaine, Massé a livré son diagnostic sur la situation actuelle de la migration mexicaine. C'est vous voyez, un entretien qui date de février 2018. Seuls les immigrés titulaires d'un titre de séjour peuvent désormais circuler entre les États-Unis et le Mexique et revenir s'établir le moment venu dans leur pays d'origine, ce qui tend à réduire la part des immigrés légaux aux États-Unis. Il n'y a quasiment plus de mouvements de migrants sans papier à la frontière mexicaine. Depuis l'arrestation de 2008, ce nombre est quasiment devenu nul. La migration nette des sans-papiers à la frontière mexicaine est quasiment nulle. C'est ce que Massé a montré à plusieurs reprises. Et c'est au moment où les sans-papiers ont quasiment disparu à la frontière mexicaine que Donald Trump veut construire le mur. C'est un paradoxe tout à fait extraordinaire que Massé souligne très fortement dans cette interview. Si vous êtes hispanophone, vous pourrez l'écouter. Donc, il n'y a quasiment plus de mouvements clandestins à la frontière. Et ceux qui sont déjà sur place aux États-Unis, au moins 8 millions de Mexicains et de Mésoaméricains, ils sont piégés, ils ne repartent pas, de peur de ne pas pouvoir revenir. Donc, ceux qui ont des papiers peuvent rentrer chez eux tranquillement, et il y a à peu près un tiers qui le font, parce que c'est le rythme normal, ils ont réussi leur petite affaire, ils reviennent dans leur petite patrie, et ceux qui sont sans papiers sont bloqués, sont piégés, ils restent. Et donc, vous avez un résultat qui est le contraire de celui souhaité par les États-Unis, qui serait avoir plus de gens avec papier et moins de gens sans papier. Et en fait, la politique de visa et la clôture des frontières aboutit au résultat inverse. C'est une démonstration extraordinaire que donne Massé. Il se passe un peu la même chose chez nous, en réalité. Et une enquête fondée sur le même principe que celle de Massé va apporter la même chose. Alors, il y a deux grandes enquêtes qui ont imité le système de Massé en le développant. Il y en a une dont je parlerai assez peu, c'est une première tentative, déjà assez ancienne, un peu contemporaine des travaux de Massé. C'est ce qu'on appelle l'enquête push-pull, donc facteur d'attraction et de répulsion, qui a été pratiquée par le NIDI. Le NIDI, c'est l'Institut néerlandais interdisciplinaire de démographie, c'est l'INED néerlandais, le NIDI qui est à La Haye. Et le NIDI a obtenu un financement d'Eurostat pour faire, pour la première fois en Europe, c'était vraiment la première fois que ça se faisait, une enquête à la fois au pays de départ et au pays d'arrivée pour étudier la migration. Il y avait à peu près 1 200 à 2 000 ménages par pays. Et vous voyez les dispositifs, 6 pays d'origine, 3 pays de destination et 2 pays d'origine pour un même pays de destination. Ça a été publié notamment dans un document d'Eurostat, l'Office statistique de la Commission européenne. Difficile cette enquête. Le NIDI a énormément souffert à réaliser cette enquête. Je connais les responsables, Jeanette Schroll, ça a été très compliqué à mettre en œuvre parce que la collaboration avec les pays africains, ce n'est pas simple. Il faut trouver des universitaires qui travaillent avec vous, il faut surveiller la collecte de part et d'autre de l'océan. Enfin, voilà. Et c'est assez tardivement, en 2008, que un des collaborateurs de cette enquête, George Runewold, est un Anglais spécialisé dans la théorie des échantillonnages des enquêtes internationales, ont mis noir sur blanc un peu toute la méthodologie de ces tirages d'échantillons quand on veut être représentatif à la fois au départ et à l'arrivée. Et ils expliquent aussi les difficultés rencontrées qui ont été considérables. C'est vraiment très, très complexe. Voilà. Nous avons maintenant, beaucoup plus récemment, ce qu'on appelle l'enquête MAFE, Migration entre l'Afrique et l'Europe, qui a été menée essentiellement dans les années 2007-2008, ça s'étend un peu plus longuement. Et là, c'est différent, c'est pas 6 pays d'origine et 3 pays de destination, c'est l'inverse. Et c'est intéressant de comparer, par exemple, les Sénégalais qui migrent en France avec les Sénégalais qui migrent en Espagne ou ceux qui migrent en Italie. C'était un peu ça l'idée, c'était de comparer à origine égale les comportements dans les pays de destination. Enquête très complexe. Les articles de référence, alors c'est Chris Beauchemin, donc, qui est le responsable de l'unité migration à l'INED, qui a conçu, c'est l'homme formé à Princeton, qui a conçu cette enquête, qui l'a portée sur ses épaules. C'est un travail d'une lourdeur considérable. Et il a publié un article manifeste sur la méthode, un manifeste pour des approches quantitatives multisituées de la migration internationale. Et vous avez aussi en français un article extrêmement détaillé dans la revue Population qui date de 2015, Migration entre l'Afrique et l'Europe, MAFE, réflexion sur la conception et les limites d'une enquête multisituée, qui décrit de façon vraiment très précise la portée et les limites de ce genre d'exercice, en expliquant carrément qu'il y a certaines choses que l'on pensait pouvoir faire sont en réalité impossibles. Enfin, c'est un article d'une grande honnêteté. Voyez l'organisation d'une telle enquête. Essayez d'imaginer Vous avez des partenaires qui sont l'université Cheikh Anta Diop au Sénégal, l'université de Kinshasa, l'université du Ghana, l'université catholique de Louvain. Et là, Bruno Schumacher est un des grands démographes européens de l'Afrique. L'université de Maastricht, l'université Pompeu Fabra à Barcelone, le conseil scientifique de la recherche à Madrid, le forum d'études et de recherche sur l'immigration à Turin, l'université de Sussex. Tout ça a été financé en partie par un programme cadre européen et l'enquête MAFE Sénégal a bénéficié d'une série de financements. Vous imaginez le travail du chercheur qui essaie de faire tout ce tour de table qui y passe des mois et des mois et des mois, hein, et pendant ce temps, sa carrière est stoppée parce qu'il ne publie pas. Enfin, je veux dire, il y a un travail considérable à organiser tout ça. Et dans le système de recherche français, c'est moins facile que dans le système de recherche américain quand même. Il faut bien se dire ça. Donc, il y a aussi une FSP, le Fonds de solidarité prioritaire des affaires étrangères, qui a contribué un peu à tout ça. Voilà. Et alors, pourquoi j'ai dit ainsi de ça? Parce que j'ai lu, je suis tombé sur récemment, par devoir professionnel, je lis tout, y compris les sites d'extrême droite, et je suis tombé l'autre jour sur un article qui datait du mois de juillet 2017. Comment l'INSEE et l'INED manipulent les chiffres d'immigration. Je vous lis juste les débuts. Pour pouvoir poursuivre sa politique immigrationniste sans encombre et sans que la population de souche ne se révolte, la classe dirigeante met en œuvre différentes techniques de propagande et d'intoxication. L'une des principales consiste à manipuler les chiffres concernant l'immigration qu'elle choisit de rendre publique, etc., etc. Et je vous passe le reste de l'article où tout à peu près est faux. On dit que l'INSEE mélange les étrangers, les immigrés, que l'INSEE ne distingue pas la seconde génération, que l'INSEE, etc. Enfin bon, et tout ça est faux. Bon. Mais vous imaginez, nous, les chercheurs, régulièrement subissant ce genre de suspicion, qui quand même, quand on y réfléchit bien, attentatoire à notre honneur professionnel, hein, consistant à dire que vous passez votre temps à servir les intérêts de la classe dirigeante. Eh bien non, les gens comme Chris Bauchemin, ils ont passé leur temps à faire autre chose. Mais justement, c'est ça qu'on nous reproche, de ne pas passer notre temps à documenter le grand remplacement et de travailler à des choses complètement, superflues. Par exemple, savoir est-ce que les femmes migrent de la même façon que les hommes. C'est cité comme un exemple de recherche complètement futile par l'article en question. Ben si, c'est quand même important de savoir comment les analyses de genre nous rendent attentifs au destin inégal des hommes et des femmes dans la migration. Et ce n'est qu'un exemple, mais j'aurai l'occasion de revenir, évidemment, plus précisément sur ces questions. Alors, le principe de l'enquête MAFE, je vais rapidement, c'est que les personnes qui partent, dont une partie reviennent, doivent être comparées à celles qui n'émigrent pas. Je reprends la formulation de Chris Bauchemin. Et il faut donc comparer les personnes parties à l'étranger avec celles restées sur place et on va étudier les effets de la migration internationale sur tous les parcours des individus. Alors cet impératif de comparaison, il avait déjà été énoncé superbement par des quantités d'auteurs, évidemment, dont Douglas Massé. Mais le problème, c'est de mettre ça en œuvre, c'est de trouver la méthode. Et là, il faut comparer des personnes qui vivent dans des pays différents. Il faut regarder à quel moment on peut faire la comparaison. C'est au moment du départ, c'est au moment du retour, c'est 5 ans après la migration. C'est pas évident de faire des comparaisons pour des périodes qui ne sont pas celles qui sont sous observation au moment de l'enquête. Voilà. Et il arrive, Chris Bauchemin, de façon tout à fait honnête, à nous dire la constitution d'un échantillon représentatif pour une enquête visant à atteindre des migrants internationaux représente, dans la plupart des pays, un défi quasiment impossible à relever. On avait cette idée initiale, finalement, ce serait bien d'interroger au pays d'origine un échantillon de ménages, et puis d'apparier à cet échantillon les ménages des pays de destination, et puis de regarder, mais ils se dispersent, et il faudrait finalement, si on appliquait ce système, faire une enquête dans le monde entier. Ça n'est pas possible, c'est infaisable, et donc du coup, quand vous avez des enquêtes qui travaillent des deux côtés de l'océan, de la Méditerranée, d'une frontière, les migrants que vous interrogez d'un côté ne sont pas ceux qui ont été envoyés par les ménages interrogés de l'autre côté. C'est d'autres migrants. Et il faut trouver des moyens au moment de l'exploitation pour essayer de rétablir quand même une connexion. On a des populations cibles qu'on peut définir. Vous avez par exemple, vers le bas du tableau, là, 111 600 Sénégalais vivaient en France en 2010. Et ça représente 23% des Sénégalais immigrés dans le monde, ça représente 48% des Sénégalais vivant en Europe, donc une assez forte concentration de la migration sénégalaise dans notre pays. Donc c'est une des raisons qui fait qu'il faut étudier la migration sénégalaise en France, bien sûr. Et puis ensuite, vous avez l'échantillon de l'enquête MAFE. Ben, ce n'est pas un échantillon qu'on présente comme une enquête classique. Vous avez toute une série d'échantillons, parce que vous avez un échantillon au Sénégal, un autre au Ghana, un autre au Congo, que vous avez des ménages ordinaires, des migrants de retour, des gens qui n'ont jamais migré, qu'il faut distinguer tout ça et calculer les probabilités qu'on avait de tomber sur ces gens-là, et donc de pouvoir, au moment de la publication des résultats, inverser sa probabilité pour avoir des résultats représentatifs. Je vous passe les détails. Il y a une enquête ménage, mais une enquête aussi sur des individus, c'est une enquête biographique, etc. On peut interroger les conjoints. Voilà, vous voyez, c'est quand même, quand on fait ce genre de choses, les difficultés ne sont pas multipliées par deux ou par trois. On est à 100 000 lieues du sondage de 800 personnes dont on a les résultats en 48 heures. Hein. À 100 000 lieues. Les difficultés sont multipliées par 10, par rapport même à une grande enquête classique de l'INSEE ou de l'INED. Et donc c'est un énorme travail et je veux rendre hommage aux chercheurs qui réussissent ce genre de choses. Alors, les résultats. Eh bien, il y a quand même quelques résultats de tout ça. Quelques grandes. Je vais donc vous présenter rapidement quelques découvertes de l'enquête MAFE. Si vous tapez MAFE enquête, vous tomberez sur le site spécialement dédié à MAFE. Vous verrez qu'il y a une très longue liste, une trentaine, une quarantaine de documents de travail, aussi clairs que possible, pas très longs, avec pas mal de graphiques, d'explications. C'est assez pédagogique. Il y a eu un effort considérable de mise à disposition des résultats. Et ça permet quand même d'apprendre beaucoup de choses sur des sujets multiples, comme la question du genre, certaines monographies par pays, les remises de fonds envoyées aux familles, enfin toute une série de sujets. Et c'est international. Alors une partie de ces publications sont en anglais. Donc d'abord, parmi les découvertes ou les confirmations, parce que quand on confirme quelque chose qu'on soupçonne, ça fait partie des découvertes, la migration subsaharienne vers l'Europe, eh bien, elle est d'autant plus intense que les gens ont un niveau d'éducation élevé. Et c'est d'ailleurs plus particulièrement vrai pour les femmes, de plus en plus, depuis une dizaine d'années. Et ceci, c'est vrai même quand on contrôle les autres caractéristiques des personnes. Donc, à occupation égale, à niveau de fortune équivalent, à présence d'un membre de la famille tout à fait analogue dans un autre pays, quand on corrige, quand on neutralise ces autres variables, eh bien, le niveau d'éducation continue d'agir fortement comme un facteur déterminant de la migration vers l'Europe. Donc c'est contraire à l'image, si vous voulez, vous savez, pendant des années, Plantu, que j'aime bien, moi, enfin, représenter le migrant type, c'était... le sahélien avec son petit bonnet, soit dans son désert, près de son arbre desséché, soit en France. Ça n'est plus ça. L'image type du migrant subsaharien, ça n'est pas le petit homme décharné avec son bonnet dans le désert. Alors, comment expliquer que le niveau d'éducation joue à ce point sur la décision d'immigrer ? Eh bien, c'est que la migration a un coût important pour les Africains, vu le niveau de vie. La migration est sélective partout, tout le temps, mais elle est particulièrement sélective en Afrique subsaharienne. Et les moins instruits n'ont pas l'entregent suffisant, n'ont pas les réseaux suffisants permettant par exemple d'acquérir un visa, c'est une affaire compliquée. Il faut avoir les moyens de migrer. Et puis, il y a l'effet de réseau. Alors là, tous les contributeurs de l'enquête MAFE n'utilisent jamais capital social ou très peu, certains le font, mais en expliquant bien de quoi il s'agit, et en général se contente d'employer l'expression de réseau familial, qui, à mon avis, effectivement, est plus réaliste et plus modeste, je dirais, dans l'explication. Eh bien, l'effet de réseau est tout simplement précédé d'autres membres de sa famille ou d'amis proches. Il y a des études qui regardent comment ça change selon que ces gens sont plus ou moins proches, appartiennent à la famille ou pas, et ça fait une différence. C'est cette ressource qui est la plus agissante pour migrer, et c'est distinct du niveau d'éducation, ça s'ajoute au niveau d'éducation. Le pouvoir explicatif s'ajoute à celui du niveau d'éducation. Autre type de découverte, je vous donne simplement un florilège de quelques découvertes qu'on a pu avoir avec l'enquête MAFE, c'est Sœur Anna Thomas et je crois que c'est Sylvie Vose, qui montre que la probabilité de migrer au Nord croît donc le niveau d'éducation, comme je vous le disais, mais surtout chez les femmes. Mais dans l'ex-Zaïre, la République démocratique du Congo, la RDC, là, il n'y a pas de différence entre hommes et femmes, alors qu'il y a une différence très forte au Sénégal. Alors ça, c'est intéressant. Pourquoi les Sénégalaises migrent-elles nettement moins que les Sénégalais, alors que ça n'est pas vrai des Congolaises par rapport aux Congolais? Il y a une tentative d'explication qui est tout à fait convaincante, qui est étayée par des données, qui montre d'abord que la RDC, c'est un pays qui était beaucoup plus instable, en crise permanente, avec des taux de chômage très élevés, et du coup, une conséquence un peu inattendue du très fort taux de chômage masculin, c'est que les femmes sont plus autonomes, ont été obligées, en quelque sorte, d'être plus autonomes économiquement, notamment, alors que les Sénégalaises vivent dans une société plus traditionnelle, avec, vous savez, un poids des confréries religieuses qui est très important, par exemple, au Sénégal. Et du coup, les comportements autonomes des femmes sont plus difficiles au Sénégal qu'ils ne le sont au Congo. Par exemple, une femme qui se déplace seule, c'est très, très mal vu. Une femme qui irait à l'hôtel prendre une chambre seule, c'est une prostituée, hein, tout simplement. Bon, c'est très difficile pour une femme seule de voyager seule en Afrique, notamment dans un pays comme le Sénégal. Il faut être accompagnée, de facto. Hein, c'est ça. Mais cette contrainte qui pèse sur l'autonomie des femmes n'est pas la même d'un pays à l'autre à cause de circonstances générales, d'un contexte qui distendue le contrôle masculin sur les femmes, la domination masculine. L'analyse de genre, ça ne consiste pas à mélanger les genres, hein, ça consiste à faire des études très très précises du type de celles que je vous décris sur la façon dont des phénomènes qui apparemment peuvent être communs aux hommes et aux femmes en réalité se différencient fortement parce que les rapports entre les genres ne sont pas les mêmes, par exemple, d'un pays à l'autre ou d'un milieu à l'autre. Maffei montre de façon très précise, là je n'entre pas du tout dans le détail de la démonstration qui est tout à fait rigoureuse, que finalement les Sénégalaises suivent leurs maris dans les déplacements, dans les migrations, bien plus que les Congolaises qui sont souvent, plus souvent, dans la position de pionnière, c'est-à-dire être le premier membre de la famille à migrer. Et c'est elle qui ouvre la voie, ce qui est très rare chez les Sénégalaises. Et c'est dû aussi au fait que le réseau des Sénégalaises est davantage un réseau qui a pour pivot le conjoint, donc une dépendance vis-à-vis du conjoint, alors que les Congolaises ont des réseaux plus étendus, plus différenciés. Vous voyez à quel point ces analyses de réseau, quand elles sont bien faites, mêlées à l'analyse de genre, ça peut avoir un pouvoir explicatif tout à fait intéressant. Alors, il y a aussi un problème assez général, ça a été très étudié au Mexique, très étudié également en Amérique centrale. Les femmes sont quand même dissuadées de migrer, soit parce qu'on juge qu'elles sont trop vulnérables et que ce serait dangereux pour elles de migrer. Et objectivement, c'est effectivement dangereux, il y a un danger considérable pour les femmes à migrer. Et donc, du coup, évidemment, il y a une incidence directe sur les taux d'émigration masculin et féminin quand on les compare. Mais du coup, une défense en quelque sorte des femmes, une réaction, c'est d'avoir un peu leur propre réseau. Elles ont aussi leur propre type d'emploi quand elles migrent et donc aussi leur propre réseau d'information. Donc les économistes qui travaillent sur l'information que renvoient les migrants aux membres de la famille d'un pays d'origine, eh bien, doivent prendre en compte le fait qu'il y a des chaînes d'information qui sont sexuées, qui sont genrées, comme on dit, hein, qui ne sont pas nécessairement les mêmes pour les femmes et pour les hommes. Et on voit des migrations féminines, des migrations entreprises par les femmes, avec une certaine autonomie, parce que les femmes sont soutenues par d'autres femmes dans des réseaux migratoires. Là aussi, eh bien, je dirais que c'est parce qu'il y a de jeunes chercheuses femmes hein, qui sont intéressées à ça qu'on a commencé à découvrir l'ampleur de ces phénomènes et l'incidence que ça peut avoir sur la migration en général. Parmi les autres découvertes de Maffei, ben, il y en a une qui est évidemment très importante, c'est que il y a deux modèles de migration. Migrer quand on est subsaharien, migrer vers d'autres pays africains ou migrer vers le nord, ce n'est pas le même type de migration, évidemment. Et cette distinction entre le modèle de migration vers les pays africains et le modèle de migration vers les pays du nord, ça s'observe au Sénégal comme en RDC, comme dans l'ex-Zaïre. Et bien sûr, les gens qui migrent vers le nord sont beaucoup plus instruits que les gens qui migrent dans les pays limitrophes. Le retour spontané, c'est-à-dire ne relevant pas de la reconduite à la frontière ou de l'aide au retour, le retour vraiment spontané, est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pensait, bien qu'il ait, il ait tendance à stagner récemment. 5 ans après leur départ, ce qui est assez court, 25% des Sénégalais sont retournés au pays. Ça, c'est un des grands intérêts d'une enquête comme MAFE, de pouvoir apporter ce genre de résultats. Et surtout, les conditions du premier départ étaient bien décrites dans l'enquête, avec visa ou pas notamment, et plus les conditions de départ étaient faciles, étaient légales, etc., plus les retours sont nombreux. Et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure de la migration mexicaine dans le commentaire qu'apportait Massé, c'est qu'évidemment, les sans-papiers sont bloqués chez nous, alors que ceux qui peuvent circuler, c'est ceux qui sont en situation légale. Donc si vous voulez faciliter le retour, eh bien logiquement, il faut donner des papiers. Parmi les découvertes de MAFE, donc vous avez ici l'illustration de la méthode employée. C'est ce qu'on appelle en démographie des courbes de survie ou des courbes de Kaplan-Meier dans des modèles de survie. On part à l'année zéro du séjour, au tout début du séjour. On a 100% par définition des gens qui sont là. Et au fil du temps, puisqu'on a le privilège d'avoir une enquête longitudinale, en l'occurrence rétrospective, mais on peut regarder dans quelle proportion les gens restent. Quand vous êtes à 20 ans de séjour, vous avez encore 25% des gens qui restent en Afrique. Donc ça veut dire que 75% ne sont pas restés. Il y a une rotation beaucoup plus importante dans la migration vers l'Afrique. Et par contre, il y a une permanence plus forte dans la migration vers les pays du Nord. Mais ça fait quand même un peu plus de 25%, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, reparti. Alors ça, c'est les migrants déclarés à Kinshasa. Et ce n'est pas la même chose, vous voyez, le niveau n'est pas le même. La mobilité des Sénégalais est plus forte, hein, la probabilité de rester est plus faible. Donc la mobilité est plus forte chez les habitants de Dakar que chez les Kinshasa. Alors pourquoi j'ai dit Dakar et Kinshasa? Parce qu'en réalité, l'enquête MAFE n'a pas pu avoir des échantillons représentatifs dans toutes les zones, y compris les zones rurales du Congo ou du Sénégal. Il a fallu, pour des raisons de coût, se limiter aux grandes aires urbaines de Dakar ou de Kinshasa, qui, cela dit, concentrent une partie quand même importante de la population. Alors, c'est une des limites de l'enquête MAFE, que l'échantillon dans les pays d'origine n'a pas pu s'étendre à toutes les aires, à toutes les zones. Pourquoi cette différence dans les taux de retour depuis le Nord et depuis l'Afrique? Alors évidemment, il y a une explication toute simple, naturelle, qui vient, c'est parce que, évidemment, la différence de salaire avec l'Europe est infiniment plus importante que la différence de salaire avec l'Afrique, donc c'est normal qu'ils restent, ils ont intérêt à rester, enfin, ça fait partie de leur projet, et voilà. Donc il y a une incitation à rester, puisqu'ils gagnent à la migration plus que dans le reste de l'Afrique. Et cette explication, elle est acceptée par les chercheurs, mais elle peut se combiner, ce n'est pas exclusif, elle peut se combiner avec l'autre explication, qui est l'incertitude sur les possibilités qu'on a de se réinsérer si on retournait au pays. Et plus le départ avait coûté, plus on avait brûlé tous ces vaisseaux, en quelque sorte, en termes d'argent, de démarches, de risques divers, ça peut être d'avoir payé un passeur, etc., ça peut être tout ça, moins il est facile de décider de rentrer. Plus, les probabilités de réinsertion vont être difficiles. Et évidemment, là-dedans, dans ces difficultés du départ, dans le renchérissement du coût des départs, il y a aussi, bien sûr, les obstacles à la frontière, les obstacles juridiques, la non-délivrance de visa, par exemple. Donc, on rejoint ce que disaient Massé et son collègue mexicain Durand, que plus les États-Unis durcissent les conditions d'entrée, plus le retour des Mexicains devient difficile. Alors maintenant, il faut que j'arrive quand même à la conclusion générale de ce cours, après toutes ces séances. Il y a un certain nombre de lacunes dans la grande fresque, dans le tableau général des théories de la migration que Massé nous a présentées. Il y a d'abord la très faible présence de l'État. Car au fond, à mesure que s'est développée la politique très restrictive des États-Unis, Massé, évidemment, a eu l'attention attirée là-dessus et a commencé de plus en plus à en parler, mais c'était plutôt pour dénoncer, comme je viens de le faire, les effets pervers des politiques restrictives, les migrants piégés qui cessent de circuler, et tout en présentant ce genre d'argument, évidemment, on ne peut pas dire que dans ces modèles, les politiques migratoires et au fond la place de l'État jouent un grand rôle dans tout ce que je vous ai présenté. La théorie néoclassique, au fond, considère que les frontières, c'est un obstacle parmi d'autres, mais que ce n'est pas constitutif, définitoire, en quelque sorte, de la migration, qui peut être aussi bien domestique, nationale, internationale, voire professionnelle. La théorie des systèmes mondes ou la théorie de la bifurcation du marché du travail n'accorde pas une importance énorme aux États et au contraire, c'est beaucoup développé dans les 15 dernières années en insistant sur le fait que la migration de travail non qualifié, qui correspond à une espèce de demande invétérée, incurable des grandes entreprises, eh bien, échappait au contrôle frontalier. Il y avait en quelque sorte une relation d'exploitation directe entre les individus, les travailleurs exploités d'une part, et puis les grandes sociétés capitalistes, les grandes compagnies, le système capitaliste mondial qui se joue des États. Et donc, dans cette théorie du système monde, les États jouent un rôle très faible. Et il y a toute une série d'auteurs qui ont même exalté, en quelque sorte, la disparition de l'État et la capacité des migrants à se jouer des frontières. Donc, il y a l'idée que les politiques migratoires, c'est une perturbation, avec des effets pervers, certes, mais que ce n'est pas constitutif, en quelque sorte, du système et qu'on ne pourrait pas bâtir une théorie spécifique des migrations insistant sur le rôle de l'État. Alors ça, ça a été très critiqué, pas par n'importe qui, par les chercheurs en sciences politiques. Bien sûr, une partie des chercheurs en sciences politiques prophétisent la disparition de l'État. Mais enfin, la plupart sont quand même des gens qui ont partie liée avec l'État et en tout cas insistent beaucoup sur le retour de l'État. Et la crise de l'accueil des migrants observé depuis 3-4 ans, elle nous a montré un formidable retour de l'État, puisque je vous ai déjà montré ce graphique à plusieurs reprises. D'un État à l'autre, les politiques d'accueil ont varié du tout au tout, puisque, en gros, on est dans un rapport de 1 à 700 entre la proportion de demandeurs d'asile à qui on accorde une protection dans le record européen qui est la Suède et les records de non-hospitalité qui sont les pays anciennement communistes de l'Europe de l'Est. Donc du coup, ça montre que les États, ça joue. Ça joue considérablement même. Alors c'est James Holyfield dans Migration Theory, qui est un livre, un recueil tout à fait remarquable. C'est vraiment un livre excellent. Je ne suis pas d'accord avec tout. Mais c'est un livre qui étudie tous les facteurs de migration, mais de façon pluridisciplinaire. Alors il y a un article écrit par une anthropologue, par un géographe, par un économiste. Enfin, toutes les disciplines y sont là. Et il y a des tentatives de rapprochement entre les disciplines sur la question de la théorie des migrations. Donc ce sont les politistes qui, évidemment, ont souligné l'absence chez Massey des institutions étatiques ou le fait qu'elles ne sont là citées que comme facteurs de désordre ou de déracinement, de déstructuration. Alors, par exemple, dans la conclusion du grand article que j'ai cité en début de cours, Massey explique finalement ce qui se passe au Mexique et ailleurs, et il généralise, c'est qu'on est passé des économies traditionnelles à une économie de marché, et que ça a bouleversé, ça a déstructuré. Et notamment, ça a bouleversé les institutions, se sont mises en place un système obligatoire de contrats, de droits de propriété, de titres de propriété, tout un système juridique, des droits juridiques sont mis en place. Les marchés sont organisés, il y a toute une infrastructure de transport et de communication pour faciliter l'offre et la demande et donc accélérer les migrations. Enfin, tout ce que, finalement, on qualifiait dans les années 60-70 de modernisation. Hein, toute la modernisation de l'État est vue là comme étant autant de facteurs de déstructuration. Tout cela déplace beaucoup de monde, dit-il, et c'est ce passage des économies traditionnelles à l'économie de marché qui est la source principale des migrations internationales. Alors, ça n'est pas faux, évidemment, mais après, il y a tout le problème de la coloration des jugements normatifs qu'on apporte à ce genre de constat. On reste quand même, et moi ça me frappe beaucoup, assez dans le modèle mécanique des théories du développement ou de la modernisation des années 60-70 qui font, au fond, des individus de la limaille de fer qui est déplacée au gré des grands mouvements sociaux, de l'industrialisation, la mobilité comme produit de la modernisation, alors que dans la période plus récente, celle des années 70, celle des années 80, que Massey lui-même a illustré, on passait, et c'est ce que raconte très bien Alan Simons, c'est l'auteur du premier chapitre que Victor Pichet met en tête de son anthologie des théories de la migration. Cette anthologie publiée en français, dont je vous ai parlé, aux éditions de l'INED, Victor Pichet, le chercheur canadien, a mis en tête ce texte de Alan Simons qui fait en quelque sorte une historiographie des modèles et qui dit au début les modèles étaient très mécanistes. Ils traitaient les individus comme des éléments passifs jouets de la modernisation, de l'industrialisation, etc. Et c'est comme ça qu'on pouvait dicter des lois de la migration. Et puis, dans un deuxième temps, on est passé à un modèle qu'il appelle cybernétique. Bon, là, on est plus dans du réseau, dans des voies qui sont frayées, dans de la rétroaction, dans tous ces concepts qui sont d'un autre type, évidemment, mais qui sont, d'une certaine manière, un développement de modèles physicalistes, enfin, d'application aux sociétés humaines de mécanismes, certes plus élaborés que les rétroactions, que simplement le déplacement push-pull. Alors, Massé oscille un peu entre les deux modèles. Mais en 2012, donc c'est récent, 2012, hein, par rapport à tous les articles que j'ai cités, Massé a publié un article qui s'appelle « Pour une théorie intégrée des migrations internationales ». Et pour la première fois, il cite finalement les politistes qui mettent en relief des phénomènes dont lui-même n'avait finalement jamais parlé. Il cite Jobke, je crois que c'est Christian Jobke, qui a écrit un article fameux « Why liberal states accept unwanted immigration ?» Pourquoi, de façon un peu systématique, les grandes démocraties libérales ont-elles toujours plus de migrants qu'elles n'en voudraient ? Ont-elles toujours plus de migrants que ce que voudraient les opinions publiques, plus de migrants que ce que voudraient les politiques ? C'est ce qu'on appelle le « policy gap », c'est ce décalage dont vous avez déjà parlé, entre la production légale, normative, politique, les discours, etc., des politiques, et puis finalement, le résultat, les outcomes, hein, il y a les outputs, il y a les outcomes, c'est deux types de production, hein, les outcomes, c'est le nombre de migrants qu'on reçoit réellement, et c'est toujours plus important que ce qu'on avait voulu, que ce qu'on avait cru, et pour plusieurs raisons qu'il faut analyser. Et là, il y a plusieurs théories qui s'affrontent, et, y compris chez les politistes. Il y a ceux comme Meyers qui disent, mais finalement, les politiques migratoires, c'est le résultat de toute une série de coalitions d'intérêts, de lobbies. Et il va décrire ça de façon extrêmement précise, et puis essayer aussi de les dater, de les coder, de démontrer le fait que les variations du nombre de migrants qu'on accueille sont liées à la constitution de lobbies. Et dans certains cas, il y arrive, évidemment. Et une de ces thèses consiste à dire, ben, selon le moment, selon le type de coalition à qui on a affaire, selon que dominent les entrepreneurs, les capitalistes plutôt ouverts à la migration, ou certaines fractions de l'opinion publique, etc., certaines ONG, selon que domine telle ou telle coalition d'intérêts, eh bien, les politiques migratoires vont prendre pour cible la migration au travail, ou plutôt la demande d'asile, ou plutôt la migration permanente, qui sont au fond les trois domaines dans lesquels une politique migratoire peut jouer, peut s'exercer. Et Massé reconnaît aussi dans cet article tardif le rôle des facteurs institutionnels. Il fait tout un tableau pour essayer d'expliquer comment, à travers le monde, ces choses-là peuvent varier. Et la France figure dans le tableau. Il y a la puissance de la bureaucratie qui est plus ou moins capable de mettre en œuvre les programmes officiels. Hein. La grande complainte des politiques qui se plaignent que les administrations leur résistent, c'est évidemment étudié par les politistes depuis pas mal de temps. Il y a le pouvoir judiciaire. Si vous interrogez aujourd'hui les responsables de l'accueil des migrants et tout, ils ont une cible, c'est le JLD, c'est le juge des libertés et de la détention, et qui n'en fait qu'à sa tête, sauf qu'il respecte des textes, et il met en œuvre des lois, et le juge des libertés et de la détention, c'est l'homme qui, ou la femme qui met en œuvre notre habeas corpus, l'équivalent entre habeas corpus. On ne peut pas emprisonner quelqu'un ou mettre quelqu'un dans un centre de rétention sans que la justice intervienne. C'est un grand principe que les Anglais ont inventé avec l'habeas corpus et dont nous avons l'équivalent avec notamment le juge des libertés et de la détention. Mais cette indépendance du pouvoir judiciaire varie d'un système à l'autre, varie d'une époque à l'autre, et les gens qui étudient ça essaient de voir si ces variations de l'indépendance du pouvoir judiciaire peuvent être mises en rapport avec des variations dans les flux migratoires. Vous voyez que c'est évidemment pas facile hein, comme exercice. Et puis il y a aussi, évidemment, c'est un thème très important, la force des garanties constitutionnelles. Alors c'est tout à fait étonnant de trouver tout ça dans les textes de Massé, parce que dans le grand, le superbe ouvrage de 300-400 pages qui était le résultat de la revue de l'art de toutes les théories des migrations dressées par son comité pour l'Union internationale pour l'étude scientifique de la population, il n'y avait rien de tout ça. Il n'y a des questions ni de l'État, ni des droits. Et ça, c'est quand même les thématiques qui maintenant prennent de plus en plus d'importance pour essayer d'expliquer un petit peu en amont aussi que, bah, par exemple, le regroupement familial existe de plein droit et du coup déclenche des migrations d'un type très particulier. Je vous ai montré sur un graphique comment les États-Unis étaient le champion du monde du regroupement familial par les quantités, et nous, nous sommes en Europe le champion européen du regroupement familial. Hein. Et il faut évidemment, à la lumière de toute cette théorie, essayer de réfléchir un petit peu à ça. Il y a un auteur qui a joué un grand rôle dans le fait qu'on a remis l'État, to put back the state in, on a remis l'État au cœur du tableau, sur le devant de la scène. C'est Aristide Zolberg, qui est décédé il y a quelques années, qui était d'abord un grand spécialiste du fonctionnement des États africains et qui peu à peu a écrit un très grand livre, c'est un très beau livre, c'est un livre tout à fait passionnant, A Nation by Design. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une nation à dessein, qui a été construite à dessein, délibérément, qui n'a pas été construite au hasard. C'est l'idée qu'avant les années 20, avant que le nativisme, le mouvement nativiste, n'impose une régulation extrêmement sévère des flux migratoires, avec les fameux quotas par origine, eh bien, il y avait déjà une régulation. C'est la grande thèse de Zolberg. Il n'y avait pas le « laisser-faire », comme on dit en anglais. Il n'y avait pas le « laisser-faire », il y avait déjà une régulation, mais d'un type particulier, avec des coalitions d'acteurs particuliers, et avec en particulier, enfin avec surtout, évidemment, au centre du système, le blanc, et tous les cercles concentriques dégradés que le blanc devait dominer. Donc, Zolberg raconte tout ça dans son livre. Donc, la politique migratoire dans la fabrique de l'Amérique, on pourrait traduire ça comme ça. Et je voulais terminer là-dessus, sur le fait que les motifs et les mobiles, c'est pas la même chose. Hein, dans la justice, il y a les mobiles un peu sombres qu'on prête aux gens, et les mobiles du crime, puis il y a les motifs des juges qui, eux, sont clairs et explicites, c'est pas le même registre. Et dans le vieux langage philosophique, le mobile, c'est le penchant, le motif, c'est la raison d'agir. Il faut lire Kant de temps en temps pour se remettre les idées en place. Et donc, le grand problème, c'est qu'entre les motifs de séjour officiel et les mobiles des personnes, eh bien, il y a un décalage. Et ce décalage, on peut le mesurer par des enquêtes, comme l'enquête ELIPA, qui est actuellement au ministère de l'Intérieur, qui montre que, certes, on a la migration de travail, catégorie officielle, vous voyez là, et que, évidemment, la migration de travail se retrouve surtout chez les gens qui, lorsqu'on les interroge, déclarent qu'ils sont venus pour trouver du travail. Bon, c'est logique. Et puis, vous avez aussi les réfugiés. Ben oui, les réfugiés sont surtout parmi les gens qui disent qu'ils sont venus là à cause de l'insécurité, des troubles politiques, ou pour sauver leur vie et celle de leur famille. Mais vous avez des quantités de gens qui sont là au titre de la migration familiale, parce qu'ils sont classés comme ça par le système administratif, mais qui en réalité ont bien d'autres motivations. Et c'est toutes ces zones oranges où vous voyez que là-dedans, il y a les études, il y a l'avenir des enfants, il y a le désir assez général de changer de vie. La catastrophe climatique, on en parle tout le temps beaucoup, mais c'est quasiment rien. Et dans les enquêtes plus récentes, c'est la même chose. Là, ce sont les enquêtes faites sur les migrants en transit dans des pays comme la Tunisie, par exemple, ou le Maroc. Des enquêtes spéciales ont été faites. Et bien sûr, la thématique des droits, bien sûr, intervient. Et je crois qu'il était important de terminer là-dessus. C'était les cours du Collège de France où vous venez d'écouter le cours de François Héran, Pourquoi migrer, dernier opus. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de François Héran. Il a publié à la Découverte en 2017 l'essai intitulé « Avec l'immigration, mesurer, débattre, agir ». Sa leçon inaugurale est publiée chez Fayard. Iconographie et site web Claire Signon et Marion Barsac. Réalisation Laure-Hélène Planchet. Présentation Meryl Moneghetti. Demain, je vous propose la rediffusion du beau séminaire d'Antoine Compagnon. Nous poursuivrons l'exploration d'un réel mouvant, cette fois-ci en compagnie de l'écrivain Emmanuel Carrère. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.